Section 17 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e, section 17. Janvier au champ, par G. de Cherville. Chapitre 1. Le 1er janvier dans les villages. Dans nos villages, le 1er janvier se célèbre avec discrétion, sinon toujours avec sobriété. On le considère un peu comme ces saints de seconde qualité qui ne sont pas assez haut montés dans la hiérarchie céleste pour avoir droit au carillon et dont le propre se trouve suffisamment solennisé par le chômage de l'après-dînée. Peut-être les campagnards apprécient-ils plus sainement qu'on ne le fait à la ville la considération que mérite en réalité ce jour trop fêté. Cette constatation officielle de l'année de plus que nous avons amassée sur notre tête est-elle donc si réjouissante? Y a-t-il lieu de témoigner tant d'allégresse parce que le calendrier nous atteste que nous sommes un peu plus près de notre fin? Sans doute, ce n'est pas l'an qui s'en va que l'on salue, aux royautés défuntes plus de révérence. C'est à l'an neuf que s'adresse cet enthousiasme, qui n'a d'autre raison d'être que la satisfaction égoïste avec laquelle nous assistons à son intronisation, lorsque tant d'autres qui valaient mieux que nous ne sont plus là pour entendre son appel. Cependant, lorsque l'on réfléchit que cette date aura beau changer, qu'elle nous ramènera invariablement un surcroît de déception, de tristesse et de douleur pour quelques joies bien clairsemées, on est tenté de se rallier à l'opinion rustique et de trouver, comme elle, que c'est franche du prix que de faire les frais d'un lampion à l'occasion du 1er janvier. Il va sans dire que ces réflexions passablement lugubres sont étrangères à l'indifférence avec laquelle notre monde voit finir et commencer l'année. Elles procèdent d'un ordre beaucoup plus positif. Les grandes époques de la vie des champs sont les fêtes du catholicisme qu'a consacré l'habitude, mais surtout les foires et les marchés, où le plaisir s'accompagne ordinairement d'un profit. Une solennité qui se célèbre par des dons doit médiocrement séduire des gens qui tiennent la générosité pour une infirmité. C'est là, probablement, la raison véritable du peu d'entrain que soulève au village le 1er janvier. Le beau sexe se montre surtout réfractaire à ses invités, parce qu'il fournira aux maris l'occasion de trinquer sous prétexte d'échanger leurs souhaits de bonne année, et que, s'il n'y a que le premier pas qui coûte, il n'en est pas de même du premier verre. Quant au petit peuple, plein de bonne volonté, il faut qu'il subisse la loi qui lui est faite. Il proteste contre ses rigueurs, mais il est bien rare que les grimaces de sa désolation parviennent à arracher à la parcimonie paternelle plus d'une belle pièce de deux sous, étrenne essentiellement modeste, mais dont ses ambitions se contentent, et fort bien. Nous avons rencontré une fois un jeune bonhomme qui représentait, en raccourci, l'idéal de la félicité humaine. Ses étrennes, à lui, devaient avoir consisté en une paire de sabots à brides si noirs, si luisants, que le propriétaire des pieds qu'il chaussait ne reconnaissait certainement plus ses extrémités. Il s'arrêtait à chaque pas pour considérer ses étonnants souliers de bois avec une admiration à la fois étonnée et respectueuse. Se baissant, il passait sur leur vernis ses petits doigts, bleuis par le froid, pour se certifier à lui-même qu'il n'était pas la dupe d'une illusion. Devant une flaque d'eau qui coupait le chemin, il s'arrêta anxieux, consterné. Il enviait probablement les ailes des chérubins du tabernacle de son église pour sauvegarder ses chaussures des souillures qui les menaçaient. Peut-être se fût-il résigné à traverser le bourbier sur ses mains, mais je le mis charitablement sur l'autre rive et il s'en alla tout joyeux. Le petit campagnard se distingue encore de l'enfant de la ville par le soin religieux avec lequel il conserve le jouet qu'un sourire bienveillant de la fortune aura mis dans ses mains. Ce ne serait pas lui qui ouvrirait le ventre d'un cheval de bois pour voir ce qu'il y a dedans. L'avarice rustique se nuance presque toujours d'un respect très caractérisé pour les espèces monnayées. Il en est du culte de l'argent comme de tous les autres. Les fidèles finissent toujours par confondre quelque peu le Dieu avec son image et par accepter celle-ci pour celui-là. Cette disposition à la vénération de ce qu'il possède, vous la retrouverez très fréquemment dans notre petit peuple. Il en est jaloux, comme il le sera plus tard de son champ ou de ses écus. Il y a quelque temps, nous avons vu mourir un enfant d'une douzaine d'années. Pour adoucir les tristesses d'une maladie de langueur qui le cloua dans son lit pendant plusieurs mois, une âme charitable lui avait envoyé une boîte de soldats de plomb. Ils furent l'unique préoccupation de l'agonie du pauvre petit être. On voyait que l'idée qu'un autre pourrait jouer avec ce qu'il appelait « ses beaux joujoux » dominait de beaucoup ses souffrances, et il suppliait sa mère de les mettre avec lui dans son cercueil. Fin de la section 17. Lue par Cindy, près de Lille, 2024.